cherche pas d'amis. Marche droit, tombe sec. Pas de trêve, pas de soif. Raiders qu'il regarde, mais ne tend pas la main. Mais pour tenir. Yeah! Ha!